Gabois, il faut prendre conscience de ça. On récolte ce que l'on sème. Yeah, yeah. Sure. C'est dans beaucoup de choses la même chose. Si tu sèmes la destruction, t'auras la destruction. Ok, et ça se passe comme ça. La nature, faut savoir qu'on en fait partie. On est tous des êtres humains. Yes. Alors en plus de bousiller la nature, les arbres, les aliments, les animaux, ils détruisent aussi les hommes. Pour ça, ils les font perdre la foi. Ils les mettent dehors, ils leur piquent leur monnaie. C'est mental, c'est mental. Ça se passe comme ça à l'intérieur. L'argent a été créé pour ça, man. Yeah, nous faut perdre notre temps, tu sais. Péter la tête, man. Mais oui. C'est pour ça. Même sans monnaie, man, normalement, il y a de quoi vivre tout le monde. Sous un toit, de quoi manger, Sin. La terre a été faite pour ça, man. Hein? Alors la terre a été faite pour nous nourrir, man, et on détruit notre nourriture. Yeah, man. On gâche trop, on consomme trop, Sin. Mais maintenant, ils se posent la question, pourquoi est-ce qu'on va vivre encore un petit peu d'années, là? Oh, ils sont malades. Alors. On est en plan 2000, je ne sais combien. Yeah, man. 2007, you know. Et l'esprit de l'homme n'a jamais encore évolué. Là, c'est le nouveau millénaire. Terre, tu vois. Ouais. Alors, dans l'évolution du béton, il y a des espoirs meilleurs. Toujours meilleurs. Alors cette chanson-là, Sin, en l'an 2007, c'est pour ceux qui sont intelligents, man, mais qui gardent le cœur, la nature à l'intérieur, Sin, qui reste simple pour faire avancer les choses. Hein? Pour tous les gens qui sont à la rue et qui lâchent pas l'affaire, Sin. Ouais. Lâchez pas l'affaire, même si Babylone continue dans ses hautes tours et ses buildings, on est là. Ok. Yeah, ouais. Alors toi, on envoie ça, on va leur dire, hein. Nouveau millénaire, Sin. Une maison à toi pour tout le monde.